Bonjour, je fais une petite vidéo pour parler du fait que je vais prendre une petite pause. Ça peut durer quelques semaines, peut-être même juste une semaine, comme ça peut durer quelques mois, je le sais pas. Mais je dois préparer certaines choses par rapport à l'hiver, puis il y a certaines choses que je dois m'occuper, puis je veux pas avoir trop de distractions non plus. Bon, par rapport là à certaines choses qui sortent dernièrement, des groupes d'opposants, si on peut dire une certaine dissidence, on pourrait même dire jusqu'à un certain point des activistes, puis on en apprend des belles, notamment il y a carrément une structure. Bon, pour prendre la parole, là, ça prend un bâton de parole, comme on a vu dans certains groupes, c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent ou faire des incantations devant un feu sacré, confier tous ses secrets à des gens. Je veux dire, quand vous vous confiez, comme par une espèce de thérapie par la parole, c'est extrêmement imprudent et naïf. Mais des lois naturelles font que ces structures-là finissent par tomber. Des fois, ça prend 5 ans, des fois, ça prend 25 ans, des fois, ça peut même prendre des siècles. Mais ça va tout le temps se transformer, il va tout le temps avoir de la mouvance. Aussi, de comprendre que au niveau de la psychologie, je veux dire, tout chef qui est psychologique, qui obéit à des lois psychologiques, va finir par développer une certaine paranoïa. C'est pour ça que c'est mieux des structures où il n'y a pas de chef, là. Si vous voulez faire de la charité, aider les oubliés, comme il dit, vous n'avez pas besoin de veste de cuir, vous n'avez pas besoin de patch, vous n'avez pas besoin de pin. Dès que vous, pour des raisons de psychologie animale, j'ai envie de dire, l'être humain est un animal social, que vous vous identifiez à des symboles comme ça pour un lien d'appartenance à un groupe, vous perdez de l'individualité, ça vous draine de l'individualité, puis ça veut dire que vous êtes jusqu'à un certain point orienté. Donc, faire très attention avec des choses comme ça. Parce que vraiment, si vous voulez aider les gens, puis vous faire des réseaux, puis aider les gens, de faire de la charité, vraiment, vous n'avez pas besoin de structures aussi rigides que ça, là. Donc, surtout moi, le côté. Moi, je n'étais pas au courant, l'affaire, le bâton de parole, les incantations devant des feux sacrés, puis confier ses secrets à un groupe, là. Ouais, c'est spécial. On reconnaît, hein, on reconnaît. On reconnaît, c'est tout ça ressemble tout. Prenez. Il y a de quoi qui a été publié dernièrement, j'ai réussi à écouter 10 minutes. Un autre gang, plus subtil un petit peu. Ils n'ont pas de symbolique d'appartenance à des groupes, à enseignant des groupes criminels, eux autres. C'était plus subtil, donc un petit peu plus insidieux, un petit peu plus. Ça a pris 10 minutes, puis il était à parler du tarot de Crowley. Le tarot d'Aleister Crowley, un des êtres les plus détestables, des plus détestables de l'histoire récente. Des fois, je me demande ce qui va pas avec cette génération-là. Vous êtes-vous fait envoûter par les Beatles? C'est quoi le problème, là? En tout cas, moi, ma doctrine, c'est arrangez-vous. Voyez par vous-même, puis arrangez-vous. Puis là, l'affaire, là, bon. Il y en a, ils vont dire, ben, le supramental, c'est un autre secte. Ah oui. Marc de la Salle, il faisait ses affaires dans son coin. Je veux dire, c'est un petit milieu où tout le monde se connaît, plus ou moins. Charles Sabourin, il fait ses affaires dans son coin. Mona Hébert, elle fait ses affaires. Je fais mes affaires. On fait nos affaires. Il n'y a pas de structure. Parce que c'est dans ce temps. À ce niveau-là, on n'est pas du tout dans le même genre de. Pas. Au niveau là de. Il n'y a pas de mentalité, dans le fond. Il y a le mental, mais il n'y a pas de mentalité. Donc, c'est pas pareil, là. Hein? Prenez les chefs de groupe, c'est normal qu'ils développent une certaine paranoïa. Puis je remarque qu'au niveau de certaines guerres d'opinion qu'on voit poindre, il y a des chefs paranoïaques qui essayent d'induire la paranoïa chez les autres. Personnellement, avec moi, ça ne peut pas fonctionner. J'ai absolument rien à me reprocher. Absolument rien. Par contre, là, au niveau de ceux, bon, là, il y a un groupe qui est en train de tomber un petit peu. Ben, c'est sûr, parce que du monde pas d'identité, ça les prend en chef, t'enlèves le chef, ils vont peut-être sombrer même dans la dépression. Parce qu'ils n'ont pas d'identité. Désolé, mais c'est ça. Il y en avait été question, ça, comme par exemple les punks. Donc, ça pourrait être une identité réelle. Ouais, c'était le seul sur la planète. Mais à part ça. Puis, l'excentricité, c'est tout le temps de l'enfantillage. Puis il existe de l'excentricité collective, hein, comme les accoutrements, les déguisements, les bon, ça revient aux vestes avec les patchs là. Pourquoi singer des groupes criminels? Moi, j'aime pas ça pantoute. Il y a moyen de faire la charité sans se déguiser, ok? Puis ça, si vous le voyez pas, ben c'est ben triste. Parce que là, dans le fond, c'est parce qu'il y en a, ils vont servir des bonnes intentions, puis ils vont s'en servir pour drainer de l'individualité au monde, pour détourner de l'argent. Ben, franchement, c'est comme par rapport au supramental. Il y en a qui pourraient dire, ben, ils font ça, c'est parce que dans le fond, ils piègent des gogoles, puis ils prennent leur argent. Moi, je n'ai jamais chargé une scène. Au contraire, ça m'a coûté de l'argent. Ça m'a coûté de l'argent. Quand j'ai fermé ma chaîne la première fois, il y avait une vidéo que je voulais envoyer. Voyons, si tu le temps de me faire des. Il y avait une vidéo que je voulais envoyer à David Lévesque. Il m'avait demandé une vidéo pour la publier. Puis c'était lourd, c'était long. Je parle au niveau de l'informatiquement parlant, c'était lourd. Donc, il a fallu que je m'abonne à WeTransfer pour une vidéo. Ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté pas mal cher. Mais j'ai jamais fait une scène avec ça. Jamais. C'est pas ça le but. Je le fais pas juste pour le monde, je le fais aussi pour moi. Parce que, bon, en exerçant ma propre parole, c'est un catalyseur d'intégration de certaines choses. Mais par rapport à du monde là, qui voudrait comparer le supramental à des sectes, ça marche pas, là. C'est un petit peu comme. Par contre, j'allais dire, c'est un petit peu comme une nouvelle branche, une façon de voir de la psychologie. Mais prenez le groupe dont on parle. Il y a tout, là, la structure hiérarchique. Les uniformes, les cérémonies, il y a une liturgie, si on peut dire, carrément. Une liturgie, puis je m'attendais pas à ça. Ben, j'en pouvais s'en douter. D'un autre côté, je suis pas surpris. Puis, bon, on dirait que dès que je veux parler, c'est parce que le soleil va se pointer, puis ça me crée des petits problèmes avec ma caméra. Mais, c'est que, bon, c'est que. Oui, ben moi-même, j'ai toujours été critique. J'ai toujours été critique. Puis comme je vous dis, il n'y a pas de structure là-dedans. Chacun fait son affaire. Chacun a mis sa pierre à l'édifice d'une façon individuée. Donc, oui, il y en a. Il y en a des secteurs dans ce milieu-là, qui est un petit milieu. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme dans n'importe quoi. Il y a tout le temps des choses comme. Il y a tout le temps des dérives. Il va tout le temps en avoir. Donc, là, par rapport, bon, ce petit groupe-là qui tombe. Puis, si vous prenez un chef qui est à la tête d'un groupe, au fond, plus il va être entouré, plus il va être isolé. Puis là, il va sombrer dans de la paranoïa. Puis ensuite, au niveau de guerre d'opinion et d'influence, il va essayer d'induire cette paranoïa chez les autres. Donc, bon. J'ai reçu des petits courriels, entre autres, où on essaie de me rendre paranoïaque. Ça marche pas. J'ai rien à me reprocher, moi. Je le sais que j'ai pas d'ennemis. C'est pas tout à fait vrai. Il y a sûrement du monde qui me considère comme un ennemi. Mais moi, j'ai pas d'ennemis. Puis ces affaires-là, c'est évident que ça va finir par tomber. Mais il y en a encore liés à ça qui continuent à ramasser des dons. Bon. Mais c'est votre affaire. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ça peut se retourner contre vous. Donc, bon, je pense que j'ai dit pas mal l'essentiel là, de ce que j'avais à dire. Mais ceux qui étaient dans un groupe comme, bon, on va les nommer par transparence, là, les Farfadas, bon, Si vous voulez faire la charité, vous voulez aider votre prochain, vous voulez socialiser, vous n'avez pas besoin de chef, vous n'avez pas besoin d'uniforme, vous n'avez pas besoin de pin, puis vous n'avez pas besoin de patch. Les structures que vous aviez, la structure réelle par rapport à vraiment aider les gens, puis tout, ça peut se faire, ça peut continuer. Vous pouvez continuer entre vous. Je veux dire, les gens qui ont été amis là-dedans, c'est sûr qu'il y a des amitiés fortes. Vous n'avez pas besoin d'uniforme ou de sentiment d'appartenance à un groupe. La vraie charité, c'est pas une identité psychologique de projection d'appartenance à un groupe qui vient remplacer la famille. Il est là le piège sectaire. Si vous voulez aider votre prochain, puis vous avez les capacités d'organisation pour le faire, faites-le. Mais pas besoin d'idéologie, pas besoin des formes, dans le fond. C'est juste du support, les formes. Donc, bon, c'est un processus naturel qui fait que cette structure-là, tôt ou tard, elle est tombée. C'est aussi lié, si on peut dire, à la psychologie de ce qu'il y a en haut. Ces affaires-là, ça se désagrège un petit peu par en haut, puis après, oups, le bas tombe, puis. Mais de ne pas oublier, moi je considère que oui, il y a des belles choses, il y a des bonnes choses qui ont été faites. Même si j'étais pas content au niveau de l'image, parce que je trouvais pas ça intelligent au niveau d'une guerre de l'image, au niveau des relations publiques, si vous voulez. Mais il reste que d'aider les gens, puis de faire des épiceries à des familles, puis des choses comme ça, c'est très bien. C'est très bien. Mais vous n'avez pas besoin de bâtons de parole, puis de feu sacré, puis d'incantation, puis confier vos secrets à Dieu sait qui pourrait ensuite vous s'en servir contre vous. Puis c'est là après que la paranoïa embarque, puis des choses comme ça. Donc, faire attention. Puis là, ceux qui sont encore affiliés à ça tout en étant à l'extérieur, là, attention. Attention. C'est ce que j'avais à dire, je pense que c'est l'essentiel, pas mal. Donc, je vais prendre une pause de quelques semaines. J'ai un ami, s'il publie un livre, ça se peut que j'en fasse la promotion. Comme il a appuyé mon travail, ben, je vais appuyer le sien. Puis, même s'il n'avait pas appuyé mon travail, puis que j'en avais la possibilité, je l'appuierais pareil, là. C'est pas une affaire, justement, de marchandage ou de retour d'ascenseur. Il faut que ce soit spontané. Comme, justement, de vouloir aider les gens, il faut que ce soit pour vouloir aider les gens. Pas par sentiment d'appartenance ou pour obtenir de l'importance dans une hiérarchie sociale interne à un groupe. Ça, là, j'ai bien de la misère avec ça. Donc, bonjour à tous. Bonne continuation aux gens de bonne volonté. Puis, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Il montrait le symbole de l'Empire que je connaissais pas dans Star Wars, puis je me disais, ouais, il est encore là. Ça me fait penser à d'autres affaires qu'il y a eu avant, d'association par l'image. Je pense pas être le jouet de forces obscures, je le suis certainement, comme tout le monde. Comme tout le monde, à divers degrés. Mais à un moment donné, il faudrait pas charrier. C'est pas moi qui va faire la promotion des affaires liées à Crowley, ça certainement pas. Dégueulasse se salir l'homme de même. Bon, ben, bonne journée. On a assez dit. Bye bye.